Il y a 5 ans, j'étais appelé près d'une jeune veuve atteinte de la grippe. Cette malade, inconnue de moi, habitait rue d'Ernaude, à 40 pas de mon domicile. Je pus sans difficulté lui prodiguer mes soins, lui poser moi-même les ventouses, accourir chez elle la nuit comme le jour, enfin l'assister dans ses soins que je crus bien alors être pour elle les derniers, car elle était dangereusement atteinte. Je la pensais, Dieu la guérit, comme disaient nos vieux maîtres. Mais Dieu et moi, dans sa reconnaissance, la malheureuse nous confondit. Plusieurs de ses amis ayant succombé au mal qui était le sien, elle décida que, ressuscitée, elle ne pouvait devoir ce résultat qu'à un médecin d'une habileté extraordinaire. Il n'y eut rien d'extraordinaire en cette affaire, si ce n'est la gratitude que Madame Janet me témoigna. Comme vous avez pu en juger par quelques minutes d'entretien avec elle, Madame Janet est une femme qui ne cherche pas le voisinage de vous exprimer ses sentiments et qui vous manifeste ceux qu'elle a sans tergiverser ni choisir le lieu où faire ses confidences. Vers la fin de la maladie, durant la convalescence même, de telles explosions me parurent la manifestation de la joie de vivre chez un sujet jeune et de tempérament riche. Je n'y attachais pas d'importance. Après la guérison totale, appelé encore à maintes reprises auprès de ma voisine, il était déjà tard quand je m'avisai que de remonter chez elle était devenu pour moi une habitude contractée. Cependant, je vous donne ma parole qu'elle n'avait pas suscité en moi le moindre désir. M'éprendre d'une cliente me paraissait alors chose aussi écartée du possible que le fait de commettre un inceste. Vous savez que je ne manque pas de préjugés. Tout bonnement, je montais chez une cliente devenue une amie et qui chaque fois m'accueillait comme si elle m'eût fait demander d'urgence. C'est cette assurance de sécurité qui précisément a fait ma perte. J'étais mieux que sûr de moi. La pensée que ces visites semi-professionnelles, semi-amicales, puissent prendre un caractère différent ne m'effleurait absolument pas. Tout d'un coup, je tombais. C'est ainsi, en effet, que bien souvent cela arrive. Vous devez le savoir mieux que moi. On peut être retenu par ses principes, on peut être enchaîné par un amour, on peut même être repoussé par l'objet qui aspire à se fondre avec nous, on tombe comme dans une trappe. Pendant qu'il disait ces mots, le docteur eut, et dans toute la physionomie, cette expression de détresse qui m'avait depuis longtemps rendu énigmatique, et plus que toutes ses vertus peut-être, m'avait attaché à lui. Je lui dis avec bonne humeur, « Vous employez des expressions, on tombe. » Une mijaurée n'en choisirait pas d'autre. Que diable, un homme, en la circonstance que vous dites, n'a généralement pas la sensation de tomber. Taisez-vous, me répliqua-t-il avec vivacité, vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites, ou plutôt, pardon, vous n'avez pas du tout encore saisi l'humble vérité de mon cas. Je m'explique mal ou je ne sais pas me faire deviner assez vite. On tombe, que l'on soit homme ou femme, quand on commet avec ou sans préméditation un acte qui brise votre ligne de conduite. Un homme s'incline vers en bas dès que sa volonté fléchit. Qu'il profite d'une bonne fortune, je ne suis pas là-dessus plus rigoriste que vous, mais celui qui a la bonne fortune à son foyer et qui soudain la joue d'un coup de dé, j'estime qu'il choie. « Vous avez joué, » lui dis-je, « bien soit, mais qu'avez-vous perdu ? Ah !» Il poussa cette exclamation sur un ton inusité. Il la prolongea en se malaxant du revers de la main tout le visage. On eût dit qu'il voulait effacer quelques dégoûtantes traces. Et je démêlais, dans les inflexions de son cri, le désespoir de s'être mis dans un cas qui, même par un ami à qui il accordait de la finesse, ne pouvait pas être compris. En effet, je ne le comprenais pas encore tout à fait, parce que la sympathie m'avait manqué au début de notre entretien. Il releva sur moi un œil pitoyable. Sa main avait dérangé ses cheveux. Pas d'apprêt, certes, en cette mimique. Je le savais incapable d'aucun cabotinage. « Ce que j'ai perdu, » dit-il, « mais je m'efforce en vain de vous l'expliquer. J'ai perdu ce sens de la domination de moi, sans lequel il n'y a pas de bonheur viril, et faute de quoi nous perdons en outre, nous autres, toute maîtrise aussi bien sur les êtres que sur nos travaux. Mais, dis-je, l'amour, voyons, docteur, entendons-nous bien, l'amour ne produit pas en nous ce sentiment de diminution. » L'amour, au contraire, nous augmente, nous exalte, nous fait rayonnant, favorise même en nous un pouvoir de domination. « L'amour ? » fit-il. « Mais parfaitement. L'amour est tel que vous le dites. Je n'insinue pas le contraire. « Comment ? Mais alors vous n'aimiez donc pas ? Depuis 5 ans, vous n'aimez pas ?»« Si, j'aime » s'écria-t-il. « Certes, si, j'aime !»« Vous n'avez pas cessé d'aimer votre... »« J'aime ma femme !» dit-il. Nous restâmes en silence pendant quelques secondes qui me parurent longues. Le docteur disait vrai. Je vis ses yeux adopter cette attitude d'adoration à la fois enivrée et douloureuse que j'avais remarquée lorsqu'il se portait au devant de Madame Barrégère, au salon ou dans le jardin de si vieux amis. Je sentais qu'il cessait de parler parce que le rappel de la tendresse qu'il avait pour sa femme le garrottait jusqu'à la suffocation. Il regarda l'heure et fut aussitôt debout. « Excusez-moi, me dit-il, je suis sorti du plan objectif. Vous voyez bien que j'ai perdu le contrôle et que je suis diminué. Allons, à une autre fois. Si le sujet ne vous importune pas, un jour que je serai moins fatigué, je m'efforcerai de le traiter avec une impersonnalité rigoureuse. » Il me tendit la main et ouvrit rapidement la porte sans que je me fusse départi, moi, d'une froideur que pourtant j'avais déjà commencé de me reprocher. J'avais commencé de me reprocher ma froideur. Étais-je donc gagné à l'indulgence? Pourquoi? D'abord parce qu'il m'avait avoué, ce à quoi rien, après tout, ne l'obligeait, quelques circonstances essentielles de sa liaison, mais surtout parce qu'il m'avait affirmé qu'il aimait sa femme. J'étais heureux, naïvement heureux, qu'il aimât sa femme. Cependant, s'il aimait sa femme, il méritait précisément moins d'indulgence pour sa liaison. Ah, c'est en cette contradiction que gisait tout l'intérêt de son histoire. C'était parce que, à n'en pas douter, il aimait sa femme, et parce que, d'une manière non moins certaine, une force adverse combattait en lui cet amour que le docteur avait tant sollicité mon attention. Sans cette contradiction, dont un des termes, quoique connu, demeurait encore pour moi incertain, est-ce que, malgré toute ma sympathie, je me fusse seulement occupé de lui? La première objection que j'avais été tenté de lui adresser était naturellement celle-ci. « Puisque vous aimez votre femme, pourquoi, je ne dirais même pas, avez-vous eu, mais conservez-vous, une maîtresse ?» Telle est la réaction alimentaire de l'esprit logique en face d'une contradiction de cette sorte. Je ne la lui avais point adressée, parce que je sais trop que la logique intervient pour une faible part dans l'explication des phénomènes naturels. Parce qu'aussi une maîtresse n'est pas forcément un objet dont on se défait comme un chapeau ou un appartement. Le docteur arrivait à présent chez moi, à l'heure où, d'ordinaire, après l'hôpital, il avait coutume de passer 40 minutes chez les Déréaux ou sa clinique de l'office. Mes voisins rentrèrent tard cette année, et mon confident profitait de l'occasion pour compléter une confidence qui l'humiliait et l'allégeait à la fois. J'avais repris avec lui un ton amical que je ne feignais pas, car ma confiance en lui était redevenue entière, et je sentais qu'il souffrait. Restait seulement, en ses explications, quelque chose d'inexplicable et qui me laissait plus intrigué que je ne l'étais du temps où je ne savais rien de son cas. Mais désormais, cet excellent docteur, je le tenais pour ainsi dire à la gorge, et j'avais bien résolu de ne pas desserrer mes doigts avant qu'il m'eût livré son secret. Ma besogne d'instructeur était aisée. Le docteur, n'ayant jamais eu de confident, s'abandonnait jusqu'à l'excès à celui que les circonstances lui avaient pour ainsi dire imposé. Je n'eusse jamais osé, quelle que fût ma curiosité, lui demander d'entrer dans les détails qu'il me fournissait spontanément et avec abondance. Ses mœurs de savant l'obligeaient à vouloir demeurer dans ce qu'il appelait l'objectivité, mais son attention à peine abaissée sur sa propre aventure, la plus étroite personnalité colorait et échauffait son récit. Il était, dans ces sortes d'opérations, d'une maladresse extrême. Maintes fois, il m'arriva de dire à cet homme de science, si prudent, si sobre d'expression, si rompu au raccourci d'une formule, « Mais je ne vous en demande pas tant. » Peu à peu, je pris le parti de le laisser dire, parce qu'il devint évident que s'il ressuscitait tant de menus épisodes, soit de sa liaison, soit de sa vie conjugale, ce n'était pas seulement pour moi qu'il le faisait, mais pour s'éclairer lui-même. Il en avait besoin. Et je surpris d'ailleurs, au ton employé par lui, qu'il procédait comme un homme embarrassé qui, seul dans son cabinet, énumère à haute voix les motifs favorables et les motifs contraires, et semble faire le total d'une colonne et le total de l'autre, afin d'établir la balance. Il s'interrogeait lui-même, le pauvre, avec plus de méthode et d'application que je n'en apportais à l'interroger. Très rapidement, il fut pour moi hors de doute que le docteur avait été mis au supplice aussitôt qu'il était devenu l'amant de sa voisine. Tant qu'il pouvait se considérer encore comme un médecin allant voir une malade, ou même comme un ami montant chez une jeune femme, le porte-à-porte lui avait semblé légitime et sa commodité tout à fait bonne à saisir. Mais voilà, un geste accompli, et aussitôt il croyait ne plus pouvoir franchir ce seuil sans que concierge, fournisseur, passant, domestique et surtout sa femme, et pire encore, sa conscience, le surprissent en lui faisant honte de son indignité. Ne plus franchir ce seuil, osais-je lui dire, était-ce une chose impossible ? Il mit devant lui ses deux bras et les arrondit en ayant l'air de porter un fardeau énorme. Ce fardeau, c'était précisément le mystère pesant. Combien de temps Madame Jeannet est-elle donc demeurée encore rue d'Ernaude ? 15 mois, jusqu'à la fin de son bail. Mais je n'ai pas continué à aller chez elle. J'ai affronté les scènes, les moqueries, car les femmes amoureuses se gossent de toutes nos précautions. L'humiliation de courir les chambres meublées, les hôtels des quartiers excentriques, les stations dans les gares, les mensonges innombrables. C'est lorsque, je ne dirais pas nous fûmes lassés, car elle ne se fatiguait de rien, c'est lorsqu'elle me vit décidément écœurée, qu'elle eut elle-même, un beau jour, soudainement, l'idée de demeurer hors de Paris. Cette combinaison compliquait ma vie d'une autre manière, mais toutes les manières me paraissaient préférables à la précédente. Je l'acceptais avec empressement. Depuis 2 ans, Madame Jeannet est à Saint-Germain. Vous avez beaucoup de mal à la joindre, c'est entendu, mais une fois près d'elle, le regrettez-vous ? Je répondrai sans ambiguïté à votre question. Pas une fois, je n'ai franchi le trajet qui me séparait de Madame Jeannet, sans avoir l'envie de rebrousser chemin. C'est un peu fort, voyons, mettons les points sur les i. Vous me le permettez ? Je vous le permets. Vous aimez votre femme, me dites-vous, mais l'amour est une chose complexe. Votre cœur était chez vous, je n'en doute pas, mais le cœur ne contient pas tout l'amour, vos sens, vos désirs capricieux, la chair dont la malignité est insondable, excusez-moi, je vous en prie. Recevait-il toute satisfaction chez vous ? Il me répondit comme à la barre, la main levée. Oui, oui, oui. Je reçus un certain coup. Mais enfin, lorsque vous n'aviez pas rebroussé chemin, malgré l'envie qui vous en prenait, lorsque vous vous trouviez en présence, si j'ose m'exprimer ainsi, de votre maîtresse, vous ne demeuriez pourtant pas insensible. Évidemment non. Remarquez que ceci n'est inconciliable avec votre déclaration précédente que pour ceux qui n'ont pas suffisamment étudié l'amour. Je poursuis mon enquête au dernier point indiscrète. Lorsque vous parcouriez ce fameux chemin non rebroussé, ne pensez-vous pas au plaisir qui, même malgré vous, vous était réservé au bout ? Mon cher ami, me dit le docteur, c'est durant ces trajets que j'ai préparé mon agrégation. Imaginez ma vie. Oui, j'avais envie de rebrousser chemin. Tel était du moins mon état quasi subconscient. Mais en réalité, je n'ai jamais eu une minute pour appliquer un jugement motivé à l'examen de mon cas personnel. Si cette minute, je la distrayais de mes occupations, c'était pour établir à la hâte un horaire de train, mesurer un laps de temps entre deux visites, précipiter un retour et disposer mes alibis. « Savez-vous que je n'ai jamais tant pensé à ma situation que depuis que je vous en parle ?» Je le regardais, je voyais surgir sa pensée de sa conscience d'homme laborieux et pur. Il était exact qu'il avait préparé et passé brillamment son agrégation durant ces 2 dernières années, assez encombrée pour exténuer plus robuste que lui. Et il avait publié des travaux en outre, recueilli des observations sur les troubles mentaux, sur le rôle encore mal défini des glandes, etc., etc. Cet homme-là avait été pris par l'enfant de Bohème comme un nageur par le courant. Nous autres badauds demandons à de tels surmenés. Mais à quoi pensiez-vous ? Je n'ai pas eu le temps de penser, me répondait le docteur. Il y avait quelque chose de sublime dans l'innocence de sa réponse. À l'ambiguïté de son cas, mais parbleu, il y pensait durant le court moment qu'ayant sonné à la petite maison de Saint-Germain, il apparaissait comme un chien qu'on fouette, selon l'expression employée par la vieille bonne. Il y pensait, oui, tout à coup, dans le jardin ou dans le salon des Réaux, quand sa femme était particulièrement fêtée, quand il sentait davantage que c'était elle seule qu'il aimait, et quand alors passait sur son front un de ces nuages apparents à mes yeux comme une hallucination. Je lui demandai un brûle-pourpoint. Madame Barigère ne se doute de rien. Si elle avait le moindre soupçon, dit-il, pour qu'elle ne le conservât pas 3 minutes, je sacrifierai la liaison et au besoin la vie des 2 amants. Cela n'arrangerait rien, mais réfléchissons. Il est miraculeux que tout ait échappé à Madame Barigère. J'apporte à chaque faute que je commets les soins minutieux qu'exige une opération. Je n'oublie pas une pince dans la plaie. Oui, le miraculeux est qu'aucune pipelette n'ait parlé. Le vrai, vous le savez bien, n'est pas croyable. Moquez-vous de moi, lui dis-je. Je vais vous parler un langage emprunté à votre propre corporation. La vérité est rarement transmissible par contact direct. Il faut une incubation chez un sujet intermédiaire, mais cette condition observée, que le témoin, comme vous dites, si je ne me trompe, dépose une gouttelette de salive à l'endroit voulu, et voilà les germes qui pullulent, la vérité nous envahit. Il sourit, sans doute à cause de ma comparaison pédantesque. En lui, jusque dans les questions d'ordre moral, il y avait du médecin, du bon médecin, sûr de son zèle et de la qualité de ses soins, et qui voyait sans trembler se présenter la maladie menaçante. Inconvénient professionnel, assurément, et dans l'espèce, tare assez grave. Mais je voulais épuiser toutes les hypothèses qui eussent pu réduire son cas à la qualité ordinaire. Toutes les questions vous sont permises. Il me semble que c'est enfin moi qui me les fais. Ce n'est pas par bonté que vous alliez jusqu'au bout du fameux chemin. Ah, fit-il, mais je suis beaucoup plus égoïste que vous ne sauriez le croire. Nous pouvons nous autres donner des exemples de dévouement professionnel et être au demeurant des monstres d'insensibilité. Au vrai, à part l'assiduité que je me suis imposée comme une règle, j'épargne peu la pauvre femme. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle ne me voit pas telle que je suis parce qu'elle veut que je sois telle qu'elle me désire. Bon, enfin, passons à une autre idée. Vous n'auriez pas peur d'elle par hasard. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire, vous ne craindriez pas quelque incartade de sa part au cas où vous cesseriez de lui paraître telle qu'elle vous désire. En effet, vous avez été témoin que je redoutais de sa part une explosion. Je voulais seulement alors lui épargner toute crise, même intérieure, mais ce n'était encore qu'une précaution de médecin. Autre chose à présent, une amante blessée peut faire scandale. Elle, jamais. Je puis l'abandonner ce soir, je suis sûr, entendez-vous, sûr que je n'entendrai pas parler d'elle. Mais il faut que je le lui signifie, de ma bouche, c'est fini. Aucune femme à qui il soit moins aisé de faire admettre un retard, une négligence, aucune femme plus facile à quitter. Comment le savez-vous? Je l'ai quitté une fois. Hein? Et pourquoi avez-vous renoué? Il appuya les mains sur son front et les écarta en un geste désespéré. Ayant rompu, ne vous seriez-vous pas aperçu par hasard que c'est vous qui ne pouviez pas rompre? Elle m'a fait rappeler qu'au médecin, elle était réellement malade. De chagrin, parbleu. Mais non, de la rougeole. Nous eûmes une minute de silence. Allons, dis-je, je n'ai plus qu'à ramasser toutes mes questions pour aboutir à une dernière. Premièrement, vous n'aimez pas, Madame Jeannet. Deuxièmement, ce n'est ni par bonté ni par crainte que vous demeurez l'amant de Madame Jeannet. Troisièmement, vous avez fait nettement profession d'égoïsme, et d'ailleurs vous avez déjà une première fois rompu. Tout donc vous porte à briser de façon définitive avec votre maîtresse. Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas? Nous arrivions au guichet. Il me quitta pour aller prendre son billet, puis il revint. « Le train est parti, » me dit-il. « Une minute de retard. À présent, j'ai une heure à attendre. Déjeunons-nous ensemble ?» Nous redescendîmes pour nous installer à un restaurant. J'allais lui poser de nouveau ma dernière question, mais il la prévint en entamant une diatribe endiablée contre ce que peut être toute liaison pour un homme de son espèce. Il essayait encore de faire de l'objectivité en traitant le sujet de manière que rien de ce qu'il disait ne s'appliquât directement à sa maîtresse. Mais cela avait l'air non pas même d'une attention, mais d'un reste d'attention envers elle. Et puis je savais combien il était maladroit en ses artifices, et que malgré lui, il allait tout à l'heure empoigner son sujet sans mettre des gants. « À la rigueur, dit-il, un homme occupé comme je le suis peut être porté par un bond du sang vers une femme qui ne fera pas de cette rencontre une affaire d'État. Mais s'il existe une situation odieuse, autant que ridicule, c'est celle d'un homme qui quitte, avec quelle difficulté, l'atmosphère de tendresse dont il est environné chez lui pour trouver ailleurs un air qui n'arrive jamais à être de même qualité et qui cependant est de même nature. La femme qui veut qu'on lui ait réservé à elle exclusivement toutes ses pensées depuis la dernière entrevue. Savez-vous ce que c'est? La femme qui vous oblige à retrouver l'emploi de toutes les minutes vécues en son absence. La femme à qui il est indispensable de faire croire que chacune de ces minutes n'a été par nous considérée que comme un rapt fait à elle personnellement. La femme qui vous dit « Il a fait de l'orage mercredi, est-ce que tu as pensé à moi ?»« Non, je n'ai pas entendu l'orage, j'étais en train de plonger dans son bain froid ma pauvre Tifique. » dans son bain, alors tu l'as vu nu. Et même à un tel propos, voilà la jalousie qui s'éveille et qui se porte surtout sur un parfum, sur un bout de papier, sur un brin de fil, sur un cheveu, sur le signé marquant la page de l'ouvrage technique que vous lisez en arrivant chez elle. Cela n'est odieux ou ridicule que pour celui qui, comme vous dites, est comblé de telle puérilité amoureuse. Peut-être les possédez-vous en double exemplaire. Vous êtes riche. Combien vous jalouserez, qui souffre de n'avoir pas du tout ces babioles. Ce qui est pitoyable, voyez-vous, c'est l'enquête trépidante de la femme privée de son amant durant des jours et des nuits. On assiste là au spectacle d'une malheureuse qui s'exténue, comme en un cauchemar, à réajuster et recoudre 1000 lambeaux de toile déchirée, dont elle veut coûte que coûte reconstituer en ses dimensions et son dessin la voile détruite par la tempête. C'est atroce. Je crois que la seule vie amoureuse, quoi qu'on dise, est la vie commune. Devint-elle bourgeoise ? Elle interrompt les poussées de l'imagination. Elle répartit sur une surface de dimension rationnelle la somme des désirs légitimes. Oui, oui, vous allez m'objecter. Eh bien, et l'amour ouragan et l'amour littéraire, qu'en faites-vous ? Au diable ! Ma foi, je le laisse à la littérature, beaucoup plutôt qu'au littérateur. Pour ma part, je le vois inconciliable avec la vie d'un homme qui a une œuvre à accomplir. Que d'exemples pour être cités qui s'opposent à votre thèse ? Je ne dis pas non. Peut-être, après tout, ne parlais-je ici que d'un cas particulier. Et en effet, il était incapable de parler d'un autre cas que le sien. Et ayant trébuché sur ce sol étroitement domestique, il demeura là, par terre, agité comme un possédé, et il vomissait, sans assez de retenue, son dépit accumulé contre les innombrables vexations qu'il avait eues à endurer de sa liaison avec Madame Janet. Certes, je l'avais depuis longtemps senti malheureux, mais je n'eusse jamais cru qu'un tel amas de ressentiments pût être entassé dans son cœur. Et en effet, pour qu'il eût déjà rompu une fois, à quelles extrémités avait-il dû être acculé, étant donné le mal inouï qu'il se donnait sous mes yeux pour rompre avec une femme dont il déclarait précisément que rien n'était plus facile que de la quitter. Je me garde de rapporter les particularités infiniment indiscrètes et non moins banales sur lesquelles il s'étendit dans le feu de son improvisation touchant ses rapports avec Madame Janet. Il alla un point qui me laissa croire même qu'il s'échauffait volontairement. Nous avions achevé notre repas. Je le reconduisais à la gare. Je le menais jusque sur le quai. Nous causions encore en marchant et du même sujet. Or, comme il n'aboutissait pas à se délester des rancœurs ramassées par la faute de sa liaison, car c'était la première fois qu'il en rejetait la bourbe, et que malgré cela il s'en trouvait toujours souillé, une idée me vint. Il faut presque regretter que Mme Barrégère n'ait pas été informée. « Pourquoi ? » fit-il en se tournant vivement vers moi. « Parce que j'imagine que cela vous eût obligé, sans hésitation ni retour, à la rupture irrévocable. » Il me dit, « Madame Barrégère est informée. » J'éprouvai un saisissement. « Madame Barrégère est informée ? Mais par qui ? » ?»« Par moi, de ce matin. » Il n'eut que le temps de sauter dans un compartiment dont la portière était encore entr'ouverte. Le train s'ébranlait. Je demeurai sur place, sidéré. Puis je repris le chemin d'Auteuil à pied pour m'aérer. J'avais besoin de recouvrer mes esprits. Madame Barrégère était informée. Elle était informée par lui. « C'est pour m'annoncer ce grand acte accompli, me dis-je, qu'il est venu chez moi ce matin. Et il a passé avec moi 2 heures à ne pas me l'annoncer. Il n'a pu me l'annoncer qu'en fuyant, et encore sollicité par une opinion de moi qui se trouvait d'accord avec la sienne. Comme je suivais cette pensée, j'aboutis à conclure. C'est un homme à n'avoir parlé à sa femme qu'à la dernière extrémité, mais il n'a parlé à sa femme que pour s'obliger à rompre. En effet, Madame Barrégère informait, plus de déplacements possibles, plus de vie au dehors qui ne devienne envers elle acte d'hostilité ouverte. De tels actes, il ne les fera jamais. Et il va en ce moment à Saint-Germain pour rompre. Dans l'instant qui s'écoule, il rompt. Quand je le reverrai, il aura rompu. Inattendu, surprenant, mais la réalité... Soudain, une pitié simultanée m'envahit pour les deux femmes, Madame Barrégère. Il avait fait son aveu à la dernière minute, en partant pour l'hôpital. J'imaginais, j'en avais le frisson, l'aveu, quel breuvage matinal. Comme compensation, l'annonce de la rupture, oui, mais que vaut ce baume empoisonné sur un épiderme délicat? Quant à la scène de Saint-Germain, elle ne me valait pas une moindre peine. Madame Janet, aussi concentrée que prompte à s'extérioriser, incertaine et passionnée, ne m'avait pas paru du tout antipathique. Les circonstances de ses amours tourmentés les avaient pu rendre intolérables au docteur, certes, mais ce docteur, elle l'aimait. Et par ce docteur, en ce moment, elle était crucifiée. Avec quelle impatience j'attendis les nouvelles. Je n'avais pas eu le loisir de recommander au docteur de m'informer sans retard, mais je comptais sur la faculté qu'il avait de penser simultanément à des sujets nombreux, pour ne pas douter que parmi les images qui se présenteraient à son esprit, malgré ses soucis, il ne vit un ami qui attendait à Auteuil en regardant tomber les feuilles desséchées du jardin d'Héréau. Je les vis tomber, les feuilles desséchées du jardin d'Héréau. Le lendemain, pas de visite, pas une lettre. Je ne me fusse jamais cru capable de m'occuper autant de mon prochain. Je n'osais sortir parce que j'attendais des nouvelles, et le jardin où j'avais tant de fois désiré me promener sans rencontrer personne, quand je le savais désert, aujourd'hui je n'étais pas tenté d'y aller. Malgré son feuillage d'or, déjà trop allégé, il avait une beauté plus sévère que triste. Les feuilles tombaient, la peinture s'effaçait, la vigoureuse eau forte des troncs d'arbres bien dessinés s'y substituait d'heure en heure, comme ces images qui viennent en avant sous une image vaporisée et auxquelles nous habituait l'écran. C'est en essayant de m'assoupir devant cette attrayante métamorphose que je vis s'ouvrir les persiennes de la maison d'Héréau. Une à une, elles s'entrebâillaient sans hâte, suivant presque le rythme de la nature, mais ceci annonçait le retour de la famille. Tout à coup, je me sentis touché à l'épaule. Le docteur était derrière moi. « J'ai rompu, » me dit-il. « Ah, et dans quel état avez-vous laissé la malheureuse ? C'est l'état de ma femme qui m'inquiète. « Madame Barrégère n'est pas bien ?»« Ah, que vous a-t-elle dit quand vous lui avez fait l'aveu ?»« Elle m'a dit, je savais. »« Diable, elle savait. » L'aveu n'était cependant pas superflu en même temps que j'accomplissais la rupture. Il ne laissait rien d'ambigu et il nettoyait. N'est-ce pas votre avis ? Oui, mais puisqu'elle savait, comment expliquez-vous le choc ? Ah, autre chose est de savoir, autre chose de s'entendre dire. Puissance des mots prononcés. Le verbe qui était au commencement de tout. La formule plus efficace que les drogues. Elle a eu une réaction de la dernière violence. L'annonce de la rupture accomplie, du bon ordre renaissant, la confidence, cœur à cœur, de la maudite fatalité de cette liaison, rien n'a pu la calmer. Elle est au lit. État de prostration complet. Forte fièvre. On ne badine pas avec l'amour. Ah, qu'il dites-vous ? Ah ça, vous ne redouteriez pas des conséquences graves. Que sait-on avec les traumatismes amoraux ? Ils abolissent la résistance. La résistance, vous m'avez entendu dire quel est le souverain remède, le vrai médecin. Je vous quitte. Je voulais seulement vous annoncer ce qui est fait. » Devant l'émotion que lui causait l'état de sa femme, je n'osais pas l'interroger sur Saint-Germain. Le même jour, je recevais une invitation chez les Déréaux, encore datée de Bretagne. Ils annonçaient leur arrivée prochaine. Ils demandaient à leurs amis de leur réserver une date pour la première réunion. Je revis plusieurs fois le docteur, mais en coup de vent. Il m'entretenait exclusivement de sa femme. Elle était atteinte d'un zona dans la partie dorsale droite, maladie fort douloureuse et dont les médecins avouent généralement ignorer la nature et la provenance. Il la soignait de ses propres mains, appliquait les pansements la nuit comme le jour, et il me décrivait, avec des détails superflus pour moi, les progrès du mal, à l'épaule, au bras, et intéressant jusqu'à la pointe du sein. Il avait appelé en consultation plusieurs de ses plus savants confrères. Les uns en faisaient une affection rhumatismale, les autres une sœur de la varicelle. Lui, il haussait les épaules. « C'est moi qui suis la cause de son mal. » Il se passait les mains dans les cheveux et relevait vers moi une tête désespérée. Lorsqu'il ne venait pas, j'allais moi-même rue d'Ernaude prendre des nouvelles de la malade. Elle ne recevait pas. Lorsqu'il venait, c'était pour recommencer sa plainte, redire ses opinions, gémir sur l'ignorance des médecins, sur l'ignorance générale. Vis-à-vis d'une telle douleur, d'une unique préoccupation, je jugeais toujours indiscret d'introduire la moindre question touchant l'autre victime, celle de Saint-Germain. 3 semaines étaient écoulées depuis que j'avais vu se rouvrir les fenêtres de mes voisins. Je reçus un nouveau mot de Madame Desrieaux me rappelant sa première réunion. On rentrait dans l'hiver. Il ne fallait plus songer au jardin. Un beau feu de bois flambait dans les cheminées. Les lampes fumeuses et malodorantes, telles qu'elles étaient à cette époque-là, répandaient en revanche une clarté douce, tamisée, fort agréable. Cette première soirée de la saison semblait devoir être assez nombreuse. Je n'avais pas salué le maître et la maîtresse de maison que je reçus un choc violent au cœur. Je venais d'apercevoir Madame de Ponce. Elle, ici. Je savais qu'elle avait été pour la seconde fois indignement abandonnée par son mari. Mais peu m'importait, je la revoyais et d'un seul coup, tout le reste cessait de m'intéresser. Monsieur et Madame Desrieaux me fit reproche de n'avoir pas été à la mer, sous le prétexte que j'étais un peu pâle. Ils me dirent tout de suite « Nous n'allons malheureusement pas voir le docteur ni sa femme. Madame Barrigère n'est pas rétablie. » Mais déjà je m'évadais pour aller saluer Madame de Ponce. Elle m'accueillit comme si rien ne s'était passé depuis notre séparation. Je ne lui cachais guère ma joie de la revoir et je crois que nous nous entraînâmes mutuellement dans un petit salon. Avant d'aborder aucun sujet qui nous touchât au vif, il nous était inévitable de parler des Barrigères, attendu que c'était à cause d'eux, ou du moins à cause de la fameuse liaison secrète, qu'elle avait toujours évité de connaître les Desrieaux. J'ai fait, malgré moi, la connaissance de monsieur et de madame Desrieaux ces vacances, me dit-elle, sur la plage. D'ailleurs, à quoi bon me priver de venir chez eux, sous le prétexte que je serais seule à connaître une affaire dont il fallait respecter le secret? Tout le monde la sait. Comment? Tout le monde la sait. Certainement. Les Desrieaux eux-mêmes m'en ont parlé. On en parlait ici tout à l'heure. Tout le monde en parle. Comment se fait-il que personne ne m'en ait parlé à moi? Parce qu'ils ont eu peur que vous en fassiez un roman. Mais c'est une histoire commune, archi quelconque, bête comme chou. Jamais je n'y verrai pour ma part un sujet de roman. Hein? Je vous retrouve bien, mon cher ami. D'abord, ils ignorent totalement que vous dédaignez les histoires communes, archi quelconques, bêtes comme chou, et puis, je ne trouve pas pour ma part cette anecdote tellement dépourvue de piquant. Ah, si vous y voyez par exemple le moindre sel, dites-moi, je vous en prie, où il est? Il est dans la fin de l'histoire. Vous voulez dire dans la rupture? Mais c'est la conclusion d'un feuilleton quelconque, des affaires de ménage, des tromperies, des femmes malheureuses, banalité, banalité. Et tout n'est que banalité. Si je voyais à l'aventure du docteur quelque intérêt, ce serait dans ma déception à moi, qui ai si longtemps épié sur son front une énigme que j'avoue avoir cru d'importance, tout au moins rare ou curieuse. Ce serait la confession publique de ma déconvenue. Attendez la fin, dit Madame de Ponce. La fin? Ou bien nous ne nous entendons pas du tout, ou bien la fin, c'est la situation lamentable de deux dames par suite de la mauvaise conduite d'un monsieur. Verriez-vous là, par malheur, la fin d'un roman à moi? Attendez, dit Madame de Ponce. Et d'abord, de quelle rupture parlez-vous? En effet, il y en a eu une première. Je n'ai pas oublié que vous étiez au courant de l'histoire avant qu'elle eût débuté pour moi. Vous avez connu la première rupture, bon, j'imagine que vous n'ignorez pas la seconde, autrement dit la définitive. Je connais la seconde. Pourquoi ne répétez-vous pas après moi la définitive? Parce qu'il ne faut jurer de rien. Oh si, dans ce cas présent, si, j'ai eu les confidences du docteur. J'ai entendu, j'ai vu. Je sais l'état de sa malheureuse femme. Je sais qu'il n'aime qu'elle, qu'il n'a jamais aimé qu'elle. Tiens, tiens, fit Madame de Ponce. Mais je constate que vous vous animez à propos de ces personnages. Toucherions-nous le point où cette histoire commence à avoir de l'intérêt pour vous? Mais non, laissons ces affaires. Maintenant, causons de nous. Nous nous mîmes à causer de nous, et c'était un autre sujet. Madame de Ponce est la plus grande amie que j'ai eue. La revoir ressuscitait un passé trop vivant encore, et je goûtais, cette fois pour mon compte, une exquise soirée chez les Desrieaux. À plusieurs reprises, quand, vers midi, le docteur se présenta chez moi, on eut ordre de lui dire que je n'étais pas là. Je déjeunais avec Madame de Ponce, mais je ne manquais pas d'aller prendre des nouvelles de Madame Barrigère. Je faisais un tour au bois en compagnie de Madame de Ponce et ensemble nous descendions, souvent à pied, jusqu'au Tern et à la rue d'Ernaude. Un jour, vers 4 heures de l'après-midi, nous remontions ensemble cette rue qu'habitait le docteur lorsque je le vis sortir d'une maison qui n'était pas la sienne. Nous marchions sur le trottoir opposé. Il me vit lui aussi, mais il ne connaissait pas Madame de Ponce et ne fit aucun signe. Il semblait pressé, il rentrait chez lui. « S'il n'avait pas couru si vite, dis-je à Madame de Ponce, je vous aurais présenté à votre personnage de roman. »« Ah, c'est lui !» dit-elle en se retournant pour regarder le numéro de l'immeuble d'où nous l'avions vu sortir. Elle ajouta aussitôt, « Ne plaisantez pas. » « Je ne me moque pas de lui, je l'aime beaucoup, il est fort intelligent, mais il n'est pas personnage de roman. »« Si. » »« Pour d'autres, soit. Pour moi, non. »« Si, pour vous. » »« Allons, ne recommencez pas, vous ne pensez pas ce que vous dites. » « Je pense ce que je dis. Et voulez-vous que je vous dise une chose que je pense ?»« Bien entendu. »« Je pense que votre personnage de roman à vous, vous m'entendez bien. »« Nous l'avons vu, vous et moi, il y a un instant, sortir de chez sa maîtresse. »« De chez sa maîtresse ?»« Ah, en effet. Vous voulez dire que Madame Jeannet habitait rue d'Ernaud autrefois ?»« Autrefois, oui, je le sais. Mais elle y habite de nouveau aujourd'hui. »« Aujourd'hui ? Et depuis quand ?»« D'après ce qui m'a été rapporté... » Pas depuis plus de 48 heures. C'est invraisemblable. C'est la chose la plus folle. Si cela était, ce serait de la part de cette femme une véritable canaillerie. Ce serait venir provoquer un homme qui a combattu comme il a pu, mais âprement, pour la défense de son foyer, de sa situation sociale, de la science. Non, si le docteur estime ce voisinage un moindre mal, un moyen de ne plus s'absenter, de ne pas perdre un temps précieux pour la science comme pour sa carrière. Enfin, de ne plus fournir qu'un minimum de sujets d'inquiétude à sa femme. Mais je vous dis que le docteur n'aime pas Madame Jeannet, qu'il est excédé par elle et qu'il aime sa femme. Moi, je vous dis, mon ami, ce que je sais. C'est que le docteur a fait revenir Madame Jeannet au lieu exactement où il l'avait prise. Et il recommencerait, dans des conditions 100 fois pires, à tourner une roue qu'il ne voulait pas, qu'il ne veut pas tourner. Ce savant serait donc le plus bel exemple de l'ignorance de soi. Vous-même, tout en le fréquentant chaque jour, l'interrogeant, le sondant, l'accouchant, vous avez bien ignoré le monstre. Mais dites-moi, cette constatation, qui est attristante, n'a pas l'air de vous désoler. C'est que je songe en effet. Eh bien, je songe que, comme vous le dites, il pourrait bien être personnage de roman. Le lendemain même de cette rencontre dans la rue d'Ernaud, avant l'heure du déjeuner, sous les arbres dénudés du jardin des Réaux, j'aperçus le docteur. Il se promenait, seul. Je pensais qu'il désirait être vu de moi, souhaitait me parler, mais n'osait pas venir chez moi, n'ayant pas été reçu les jours précédents. Je descendis et allai le rejoindre. Après lui avoir demandé, comme toujours, des nouvelles de sa femme, qui n'inspirait plus d'inquiétude, il y eut quelque embarras entre nous. Alors tout à coup, je lui dis « Je sais d'où vous sortiez hier quand je vous ai croisé rue d'Ernaud. » Il ne donna pas un signe qu'il m'eût entendu. Il m'avait certainement entendu. Nous marchions sur les feuilles humides. Les canards plongeaient dans une eau bourbeuse. Aucun mot ne semblait plus possible entre le docteur et moi. Nous tournions, nous tournions. Je le regardais. Il me parut vieilli et son pas était lourd. Quel poids devait-il porter sur les épaules? Enfin, à tout hasard, je risquais. N'expliquons rien. « On n'explique à rien, me dit-il, tant qu'on n'aura pas abordé avec complaisance les contradictions dont est faite la nature humaine. Toutes les divisions établies sont arbitraires. L'unité surtout, dans le domaine moral, est le comble de l'artificiel. Seulement, il ne faudrait pas avoir peur de pénétrer dans nos ténébreux labyrinthes. La nuit que nous contenons au-dedans de notre pauvre sphère est plus effrayante que le silence de ces espaces infinis qui émouvaient Pascal. » « Il y a plus simple, lui dis-je. Peut-être que les gens trop heureux ont un incoercible besoin de se procurer des soucis. » Il regarda sa montre. Sans doute lui restait-il quelques minutes. Nous passions devant la chaumière. Il s'y arrêta pour s'asseoir. Je crus qu'il voulait encore me parler. Mais dès qu'il fut affalé dans un de ces fauteuils de jonc où je l'avais vu se pâmer autrefois en écoutant sa femme par les belles nuits d'été, cet homme doué de si puissantes qualités viriles, je m'aperçus qu'il pleurait. Il se redressa promptement et secoua les épaules. Un peintre d'autrefois n'eût pas choisi de plus parfait modèle pour représenter Jacob, vigoureux mais fourbu à l'issue de la lutte avec l'ange. À ce moment se détacha, au-dessus de nos têtes, une poignée de feuilles d'automne vidées de sève. Leur bruit inattendu, insolite, aérien, molle et léger, aussitôt que perçu, évanoui, évoqua pour mon imagination émue celui d'une aile. L'autre lutteur remontait-il provisoirement vers les hautes branches et le ciel sombre? Ainsi s'achève Souvenir du jardin détruit de René Boislève.